bien que mon amour me parut avoir atteint sa forme définitive, il était à l'état d'ébauche. Il faiblissait au moindre obstacle. « Tu me délaisseras, d'autres hommes te plairont. » Elle m'affirmait être sûre d'elle. Le sommeil nous avait surpris de notre nudité. À mon réveil, la voyant découverte, je craignis qu'elle n'eût froid. Je tâtai son corps. Il était brûlant. La voir dormir me procurait une volupté sans égale. Au bout de 10 minutes, cette volupté me parut insupportable. J'embrassai Marthe sur l'épaule. Elle ne s'éveilla pas. Un second baiser, moins chaste, agit, avec la violence d'un réveil matin. Elle sursauta et, se frottant les yeux, me couvrit de baisers, comme quelqu'un qu'on aime et qu'on retrouve dans son lit après avoir rêvé qu'il est mort. Elle, au contraire, avait cru rêver ce qui était vrai et me retrouvait au réveil. Il était déjà 11 heures. Nous buvions notre chocolat quand nous entendîmes la sonnette. Je pensais à Jacques, pourvu qu'il ait une arme. Moi qui avais si peur de la mort, je ne tremblais pas. Au contraire, j'aurais accepté que ce fût Jacques, à condition qu'il nous tuât. Toute autre solution me semblait ridicule. Je n'eus pas le temps de me croire un héros, car, pensant que peut-être Jacques ne tuerait que Marthe, ou moi, je mesurais mon égoïsme. Savais-je même, de ces deux drames, lequel était le pire? Comme Marthe ne bougeait pas, je crus m'être trompé et qu'on avait sonné chez les propriétaires. Mais la sonnette retentit de nouveau. « Tais-toi, ne bouge pas, » murmura-t-elle. « Ce doit être ma mère. J'avais complètement oublié qu'elle passerait après la messe. » J'étais heureux d'être témoin d'un de ses sacrifices. Dès qu'une maîtresse, un ami, sont en retard de quelques minutes à un rendez-vous, je les vois morts. Attribuant cette forme d'angoisse à sa mère, je savourais sa crainte et que ce fut par ma faute qu'elle l'éprouva. Nous entendîmes la grille du jardin se refermer, après un conciliabule. Évidemment, Madame Granger demandait au rez-de-chaussée si on avait vu ce matin sa fille. Marthe regarda derrière les volets et me dit « C'était bien elle ?» Je ne pus résister au plaisir de voir, moi aussi, Madame Granger, repartant, son livre de messe à la main, inquiète de l'absence incompréhensible de sa fille. Elle se retourna encore vers les volets clos.